travailler, chérie. Chaque des jours, chérie, je suis auprès de toi pour te donner ma tendresse, chérie. Chaque des jours, chérie, je suis auprès de toi pour t'offrir ma chaleur, chérie. Tu n'es pas rassasié, tu n'es pas satisfait, tu es toujours mécontent, tu cherches toujours des moyens. Tu n'es pas rassasié, tu n'es pas satisfait, tu es toujours mécontent, tu cherches toujours des moyens. Vive notre pays, vive le peuple malien. quitter partout. Je m'en vais au Mali. Arrivé à l'aéroport, Bamako s'est noué. Nyetou Nita, Kata da Bananina. Bombali Mao, Aniso Koma. Nebe Bazé de Nini, Kake de l'Okibaye, Kado Kana. Maïra Mbali Maula, Kanye Kelenye. Malien ou Ombife. Bafeka Bamako don, Bafeka Bamako don, Bamako. Je vais à la Biaboudou. Bamako. Je vais à Bolibana. Bamako. Je vais à Badalabougou. Bamako. Je vais à Bankomi. Bamako. Je vais à l'Hippodrome. Bamako. Je vais à Missima. Bamako. Je vais à Bossola. Bamako. Je vais à Tassilane. Yeah. Kinshasa pour trésor. de chance. Loana, on kene le bikini. Oh, oh, wata kane sona sima. Okumba, otika na nani. Fani, ebe sa monte ma. Nyo, soli pa ina yo. Nyo, zwan de chance. Loana, on kene le bikini. Oh, oh, wata kane sona sima. Okumba, otika na nani. Chancel, Loana, okay, okay, okay.